Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On reçoit les drôles de gars des Incorrigibles. Et Simon Fitzpi nous révèle les mythes du rock'n'roll sur le sexe. Là-dessus, sex, drugs and rock'n'roll. Assemblage requis. Hey, salut, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Salut Kiwan. Salut Mathieu. Ça va? Oui, ça va très bien. Ça va. Je me vocalise en même temps que je démarre l'émission, mais c'est comme ça, ça va. C'est pas non plus comme si c'était le premier mot que tu disais aujourd'hui à la radio. Non, c'est ça. Oh, hey, ben c'est bien trop vrai. J'arrive des palmarès c'est fou en version anglophone dans notre studio 14, à l'ouest. T'es venu en courant, t'as pris le métro. C'est ça. T'es arrivé juste à temps. Station B, 12. Voilà. Bon. Oui, c'est ça, les palmarès qui viennent de se terminer. Mais parlons pas des palmarès parce que c'est du passé. Là, on est dans Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. On a plein de matériel pour vous à vous proposer. Ça va être tellement divertissant pour vos oreilles. Ben oui, entre autres, aujourd'hui, étant donné que c'est mercredi, on va recevoir à la fin de l'émission les gars du groupe Les Incorrigibles. Donc, Pat Laperrière et Jean-Gabriel Potier, j'imagine, vont être là aussi. Quelques gars vont être en studio avec nous. Sinon, on inventera, on les imitera. Oui, comme on fait régulièrement ici à l'émission. On va aussi avoir Simon Fitzbé qui va poursuivre une chronique qu'il avait fait dans le temps, dans le début de l'émission. Là, cet automne, il avait fait une chronique sur le sexe, des mythes sur le sexe dans le rock'n'roll. Donc, une suite à ça, c'est comme une péripétie. Je sais pas s'il va nous faire un résumé de l'épisode précédent avec la barre Mars, tu te rappelles? Oui, mais généralement, dans presque chaque chronique où il parle des mythes du rock'n'roll, d'habitude, il y a toujours une petite section coquine à travers tout ça, parce que bon, ça fait partie de la vie. Du mythe. Des rockeurs. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est pas mal le plan pour aujourd'hui. Il va aussi y avoir une chronique CNX, une chronique technologique. On va parler, entre autres, du nouveau iPad, la superbe tablette, comme les gens aiment tellement l'appeler, de Apple. Ça a été annoncé il y a quelques heures. Ça a été dévoilé aujourd'hui, c'est ça? Vers les 13h quelques. Donc, on est tête là-dessus, nous autres, hein? Là, j'imagine qu'il y a enfin des vraies photos, là. Oui. Des vrais produits, parce qu'il y avait plein de spéculations, plein de reproductions, puis personne ne savait trop, là. C'est ça, ouais, en tout cas. Disons que les gens étaient devant leur ordinateur et se servaient qu'une d'une seule main. Et en tout cas, bref. Les fans d'Apple, hein? C'est ça, toi. OK, non, je veux pas vraiment. OK. Donc, on va commencer par un petit bloc qui fait suite au palmarès. On aime faire ça des fois quand on est juste après les palmarès. On va écouter une nouvelle entrée du palmarès francophone qu'on va entendre demain. Demain, jeudi. Donc, écoutons tout de suite Patrick et les Brutes avec « Toutes les filles sont folles de moi ». Ah, Assemblage requis. Et ça, au 89.5. Fait Why can't I just talk to God? What would I say? God, I miss home. I miss now. I miss my house. I miss my home. I miss my grade six love. I miss my health. I miss my home. I miss my grade six love. April par We Are the City, à assemblage requis. Hein? C'est bien ça? We Are the City! C'est exactement ça, Mathieu. Oui! Ouais. Parle de ça, toi, ça va? Ben oui, ça va très bien. Belle journée? Ben oui, belle journée, c'est mieux que le début de la semaine. Est-ce que je t'ai dit ce que je faisais hier? Ah, t'es allé en camping, parle-moi-en, ton voyage de camping, puis. Est-ce que tu trouves que ça sent un peu la fumée dans le studio? Ouais, j'allais dire, il me semble que ça sent les guimauves. Non, mais trouves-tu? Ouais. Non, du tout. Ok, donc moi je trouve que je sens, tu sais, j'essaie de trouver, qu'est-ce que ça? Je pense que c'est ma moustache. Ma moustache a comme absorbé l'odeur de fumée. Ouais. Puis j'ai oublié de la shampouiner, donc c'est pour ça que ça sent. Mais ouais, non, ça, c'est quand même une pas pire température hier. J'étais supposé y aller à la base, j'en avais parlé déjà la semaine passée, j'étais supposé aller camper dimanche dernier. Ça aurait été parfait. Ben, ça aurait été vraiment parfait, étant donné qu'il mouillait là, à tonnes dehors. Non, non, c'est ça, j'avais reporté ça un peu parce que mon ami Charles, tu connais Charles? Chuck. Chuck, mon grand ami. Bien sûr. Lui, il passait la semaine dans le bois. Là. Il est parti, lui, vraiment dimanche, malgré la pluie. Malgré toute la pluie qu'il annonçait lundi, lui, il est parti dimanche passé pour passer toute la semaine au complet dans le bois comme un maudit sauvage. Ouais, vraiment. Ouais, puis moi, c'est ça, j'avais dit que je partirais avec lui dimanche, mais que je reviendrais lundi, évidemment, puisque j'ai quand même une vie. Mais finalement, je suis pas allé à cause de la température. Je suis allé le rejoindre hier soir, après l'émission, tout en partant d'ici. C'était même vraiment dépêché. On a fait ça vraiment vite, nos affaires qu'on avait à faire après l'émission. Puis go, là! Je m'en vais, là! C'est pressant. Ouais, parce que c'est quand même à Drummondville aussi. Fallait que je descende jusque là-bas. Aller le rejoindre dans le bois. On n'était pas extrêmement loin dans le bois, étant donné que lui, Charles, vraiment, il est allé se faire conduire là-bas. Il a pas d'auto. Il est vraiment, lui, il peut pas changer d'idée. Là. Il peut pas dire, ah non, il fait pas beau, il mouille, je suis tanné. Ça me tente plus. Non, il peut pas faire ça. Il est vraiment parti pour toute la semaine jusqu'à vendredi, de dimanche à vendredi. Il y a aucun moyen de transport. Là. Il est comme la route qui mène jusqu'à la forêt où on est, là, c'est à peu près à une dizaine de kilomètres de toute trace de vie. Mais son campement est pas loin de la route. Là. Donc, une fois qu'on se rend jusque-là en auto, c'est quand même pas si loin que ça. Puis, c'est ça. Hier, c'était quand même une belle nuit, je trouve, pour ça. Il faisait pas super froid comparativement à la dernière fois. Mes derniers souvenirs de camping d'hiver étaient un peu troublants. Là. C'était vers la fin de l'hiver l'année passée. à la fin de l'hiver, quand il commence à faire un peu plus chaud, on se disait, bah, c'est pas super, il fera pas trop froid. Puis finalement, on avait tombé sur une genre de nuit d'exception, là, comme qu'il y en a vraiment pas beaucoup à fin mars, mais où il a fait moins 20. On s'est vraiment gelé à mort, c'était vraiment désagréable. Mais hier, j'avais prévu le coup quand même, étant donné que je me disais qu'il pouvait quand même potentiellement faire froid. Finalement, il n'a pas fait froid. Je pense qu'il a fait comme moins 5, là, le plus froid cette nuit. Donc, j'ai même eu chaud cette nuit. À la base aussi, j'étais supposé dormir dans un igloo là, en fin de semaine dernière. Ah, je bisnite. Dans un Quincy. C'est ça, un Quincy. Je vais me faire un Quincy, mais étant donné qu'il annonçait tellement de pluie, c'est sûr qu'il était pour être tout détruit. Donc, finalement, j'ai opté pour la tente, qui est quand même un choix sage. Une bonne option. Ouais. T'as pris des photos ou non? Ben non, même pas, c'est ça. Tu vois, je me fiais sur mon ami Charles qui devait avoir son appareil photo, mais dont les batteries étaient à plat. Bon. Donc, finalement, pas de photo de moustache dans la forêt. Ben, en tout cas, le blog, ce sera pour une autre fois, hein, toi? Hein? Une autre fois. En tout cas, j'espère que tu t'es amusé, vraiment. Hein? Ouais, c'était super la fun, sauf que là, c'est ça, j'ai comme une odeur de... depuis tantôt, je sens mes vêtements, mais tu sais, c'est tout... Je me suis lavé quand même avant de m'en venir, donc j'ai comme une source d'odeur de fumée de quelque part, je sais pas c'est où, mais je pense vraiment que c'est ma moustache, là. C'est ça, j'irai te sentir depuis près, je te dirai. Non, je te demanderai pas de sentir ma moustache, par contre. C'est bon, c'est noté. Je vais faire attention. Je vais même te demander de ne jamais renifler ma moustache, OK? C'est noté, ça aussi. Bon. Une promesse de scout. Merci. Bon. Vous êtes toujours à l'assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Moi, je dirais qu'à l'entendre du Chinatown, ce serait merveilleux. Ce serait comme mon souhait. Si j'avais un seul souhait à faire exaucer par ta moustache, ce serait d'entendre du Chinatown. Ouais. Ouais. Bon, mais ma moustache t'offre ce souhait. Généreusement. Accordé. Merci, moustache. Thank you, moustache. Je te donne ma vie. Et crois-moi qu'elle est chouette, ma vie. Mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Oui, je le veux qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes yeux de chanson tristes, oh si triste. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Moi je te tiens la porte et allons battre la semaine en des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calendre. Ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Mon cœur est une plage au milieu des tristesses. écouter Assemblage Requis jusqu'à 17h. Pata Rose et Pacemaker, Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Oui, juste avant ça, avant la Pata Rose, on a entendu les Los Campesinos. Los Campesinos! Ça, c'est dur de mettre le dire le nom comme il faut avec le point d'exclamation. Et l'accent. Oui, c'est ça, mais en tout cas, c'est quand même ce groupe qu'on a entendu avec la pièce-titre de leur nouvel album, Romance is Boring. Avant de retourner en musique, je veux vous dire qu'on a un site internet et qu'il vaut la peine d'être visité pour aller voir tout ce dont on parle dans l'émission et pour télécharger la balado-diffusion. C'est simple, c'est sur assemblagerequis.com. Allez-y, assemblagerequis.com. Et pour nous écouter en direct et pour entendre des balado-diffusions d'entrevues ou de chroniques, c'est sur cfou.ca. C'est bon, hein? Mm-hmm. T'aimes ça, savoir des affaires comme ça, toi? Mais oui. T'as l'air d'un gars qui avait besoin de savoir ça. Mais non, mais c'est parce que moi, je le savais déjà, Mathieu. Depuis quand t'écoutes ce que je dis d'habitude, toi? Hein? Ça arrive des fois. Ouais. Est-ce qu'on retourne en musique? En fait, on va recevoir Simon Fitzbé, c'est dans quelques minutes, ça s'en vient bientôt, mais je pense qu'on va aller en musique tout de suite avec un peu de Beach House, Mathieu. Ouais, on va se mettre les pieds dans le sable à la maison, à la plage. Parfait. On l'a pas entendu, ton pouet, Pat. Ramène ton pouet dans le micro, Kiwan. Pouet, pouet. Yeah, des pouettes! Les incorrigibles, tantôt, à 16h30. Reste avec nous. et je marchais du bout des pieds. I've been rapping for about 17 years, okay? I don't write my stuff anymore. I just kick it from my head, you know what I'm saying? I can do that. No disrespect, but that's how I am. Tat et 17 Years dans votre émission du retour en pièces détachées, assemblage requis. Et ça, ce Rat-Tat-Tat-là, l'album est vieux, 2004 quand même. Mais je viens de découvrir ça, moi, à cause de François-Olivier Marchand, le gars des promos. On sait ça pas. Sonne actuel, mais ça sonne comme une pub. Non, c'est pas vrai. Ça sonne étrangement comme une pub du carnaval étudiant 2010. Ça, il faut être animateur assez fou pour la connaître. Là. Ou écouter C'est fou pendant 30 minutes, ouais, à peu près. À peu près. Pas maintenant, mais pendant le carnaval. Bon. Ouais. La voix que vous entendez, très séduisante et même, je dirais, burlesque. Sirupeuse. Burlesque. On dit burlesque en passant au Québec. Burlesque. Burlesque, c'est le mot clair, mais j'ai vu quelqu'un comme Gilles Latulippe dit burlesque. C'est vraiment burlesque. Si Gilles Latulippe l'a dit comme ça... C'est le maître du burlesque. Exactement, donc on va l'écouter. Yeah!

c'est fou, c'est fou comme un balai. Comme un balai. Jusqu'à 17h, assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Toujours à l'émission du retour en pièces détachées, assemblage requis. Oui, pour encore un bon petit bout, hein, on s'amuse, on se divertit. Et maintenant, là, là, ce qui va nous divertir, ben, je miserais pas mal sur les incorrigibles, tu sais. Nick, je ne suis pas ton père, mais j'ai quand même baisé ta mère à plusieurs reprises. Les incorrigibles! Patrick Laperrière des Incorrigibles, hey, qui est en studio. Hey, ça vient avec ça. Hein? À chaque semaine maintenant, je veux que tu l'amènes. Ben. Oui, ben, si j'amène pas le nez, je vais apporter d'autres choses. C'est Georges Lenez. On m'a dit ce matin que le grubule t'a pris, donc j'ai rebaptisé Georges Lenez. Qu'est-ce que tu me dis, Georges? Ah, il est content d'être à la radio. Oh, il est beau. Donc la voix, c'est Patrick Laperrière, c'est lui. C'est un des trois derrière le trio humoristique qu'on appelle les Incorrigibles. Mmh. Et qu'on a invité tout spécialement aujourd'hui pour un brunch. Oui, un brunch assez particulier parce qu'on doit revenir sur les événements de la semaine dernière. Hein, oui. Oui, en fait, ça remonte même à deux semaines, je crois, où Pat avait promis. Je pense que c'était... j'avais vu ça, je pense, sur le Facebook des Incorrigibles. Oui, donc, t'avais promis que si le site lesincorrigibles.tv n'était pas en ligne avant le week-end de cette semaine-là, t'allais... Et là, t'avais vraiment écrit, c'est vraiment une citation que je veux dire là, t'allais te brûler une couille dans un toaster et filmer le tout. Oui. Donc, par la suite, nous, on a mentionné cette promesse-là en ondes. Et puis là, ben, toi. Sans la permission de. Exactement. Quand tu nous as entendu parler de cette promesse-là, que finalement, tu n'avais pas tenu parce que le site n'était pas en ondes cette semaine-là. Donc, tu t'es vu obligé, finalement, de réaliser ce film. Ben, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai eu une réaction de feu. Vous en êtes rendu compte. J'ai écrit live. Puis, étant donné que je suis pas une couille molle pour faire de mauvais jeux de mots, oui, ben, c'est ça. Ben, j'ai rendu en ligne une petite vidéo disponible. Ben, en fait, c'est une réponse à vous, les amis, mais une réponse amicale, disons-le. Mais là, tu sais que nous, on est des grands sceptiques. Oui, regarde. Montre-nous. Oui, ben, je peux même montrer la couille live comme ça, mais je douterais que le monde le voit. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on a des effets de couille ici? Il y a une caméra ici. Il y a une caméra. Est-ce qu'il y a vraiment une caméra web? Ah. Ben, pas web. Là. OK, puis ça peut passer live comme ça? Non, pas live. Il faudrait que je fasse quelque chose pour pouvoir... OK. Ben, je le fais comme ça, je m'exécute? C'est bon, OK. Non, mais je sais pas où vous voulez aller avec ça. Fait que moi, ça me dérange pas. Je l'ai fait une fois, puis je l'ai mis sur les 3W. Donc, j'ai montré ma couille à qui. Le plan est un petit peu loin. Je trouvais que le plan aurait pu être plus rapproché. Personnellement, oui, je comprends pas. Ben, je me demandais ce qu'on avait le droit de faire, ce qu'on n'avait pas le droit de faire, tu sais. CRTC est encore sur le sur Internet. Web, mais ça, dans le futur, quand ils vont l'être, est-ce qu'ils vont retourner en arrière, voir toutes les vidéos des Incorrigibles puis les censurer, je sais pas. Ben c'est ça, puis je veux pas qu'ils deviennent à cause de nous. Ouais, c'est ça, puis ils pourraient donner peut-être une contravention à ton testicule, puis là, ils pourraient se retrouver dans la merde. Ouais, mais je pourrais devenir célèbre avec une citation « Je l'ai payé de ma couille! » Ah, ben oui! Quelque chose comme ça. Quelque chose avec la bouche de mes canons, t'aurais pu faire ça aussi. Oui, absolument. C'est même si tu l'appelles, tu sais, canon. Oh! Donc, bref, si vous voulez voir cette vidéo-là, si vous voulez voir la couille de Pat Laperrière, c'est disponible sur le web. Voilà. Future vedette du web, d'ailleurs, cette couille. Oui, Rockstar! c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça pour la couille, hein, finalement. Oui, je pense qu'on a fait le tour de la couille. Deux fois même. Ouais. Ça a été long un peu, c'est parce que c'est une grosse couille. Ben oui, on dit moi que j'ai une grosse couille. C'est tout le reste que j'ai pas. Enfin bref, on en reparlera une autre fois. J'avais apporté le nez exprès pour ça. Ben oui, pour les moments inconfortables. Hein. Oui, voilà. Comme ça, là, mettons. Vous me demandez pas ce que j'ai préparé cette semaine ou... Ben, je trouvais que c'est assez. Hein. OK, ben parfait. Moi, pas de problème. Tu payes à l'heure, toi? Je sais pas. J'ai aucune idée. On est ici pour parler de vraies affaires. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, vous, les Incorrigibles? De quoi qu'on parle? C'est quoi ben, écoute, premièrement, j'ai fait moi-même un coup de téléphone à un ami que vous connaissez bien, Jean-Gabriel Poitier. Oui. JG. On l'appelle Gigotte. Ah, bon. Ouais. C'est mieux. Grubule. Pour les oui. Ouais. C'est ça. Et ensuite de ça, je vais avoir une critique sociale d'événements québécois. Donc, okay. Certains vont se reconnaître. Mais avant ça, un coup de téléphone. Oui, un coup de téléphone. Hey, Jean-Gab, check mon nouveau téléphone! Et c'était un coup de téléphone. Oui, alors, je sais pas si vous avez remarqué la subtilité de l'humour ici. C'est possible de réentendre? Absolument. Hey, Jean-Gab, check mon nouveau téléphone! Ben... OK, je l'ai compris. Ouais, deuxième voilà, fois. C'était tout simple, écoute, mais c'est une bonne blague burlesque de coup de téléphone. C'est burlesque. Burlesque. Ouais, burlesque. Burlesque. Oui, j'ai entendu ça tantôt, j'ai oublié. Oui, OK. Eh bien, voilà. Puis, ben écoute, David n'allait pas encore ici aujourd'hui. Jean-Gab, c'est comprenable, il était occupé. Mais David était absent. Par contre, il nous a enregistré un petit quelque chose là, ben, pour que vous ayez un peu une première impression de lui. Vous ne l'avez pas vu encore. Ben voilà, David Nollet. Allô, c'est moi, David Nollet. Ouais, ben... pas très loquace, ce Nollet, mais bon... Qu'est-ce que t'en penses, Nollet? Allô, c'est moi, David Nollet. Ça, en plus, ça paraît qu'il lit son texte. Ouais, oh oui, mais oui, c'est ça. Ben, ça a toujours été comme ça. Écoute, il a pas étudié en théâtre. Hein? Réaction à ça, David? Allô, c'est moi, David Nollet. Ben, moi, ça me fait rire. Moi aussi, ben oui. Ben, tant oui. Mieux. Ouais. C'était bien. Je trouvais ça cool. Oui. Ouais. Autre écoute, chose? Ça, oui, mais ben, ce serait important quand même de mentionner que le site, à cause de la couille, est vraiment disponible maintenant. Le site www.lesincorrigibles.tv avec un Z. Au début, pas à la fin. Au début, pas à la fin. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Si vous voulez aller visiter ça, les amis, faire des commentaires, vous pouvez devenir membre gratuitement. Je suis en train de faire imprimer des autocollants. On va faire des concours éventuellement, du genre, venez manger une poutine avec les incorrigibles. Je vais vous tenir au courant la semaine prochaine, probablement. Ouais. Super. Parfait. Moi, je suis déjà membre, en fait. Ah, vraiment? Ben, ouais. Ben, félicitations. Merci. T'as pas de collant, par exemple? Non, j'ai pas encore mon collant. Hey, à part de ça, prends-moi pas pour un cadre, tu sais. Oui, voilà. C'est ça, on se quitte. Oui, on s'est rendu là, je pense que. Là? C'est ça que j'ai préparé? Ben, moi, en tout cas, c'est tout ce que je vois. Là. Ben, c'est ça qu'on va jouer. Mais attends, je vais demander à David Nollet. Allô, c'est moi, David Nollet. Ah, bon, Brunecard! Hey, tu mouilles, ça fait juste 15 ans que cette semaine est pour la seule unique fois, c'est la vente du million chez Tanguy. Ah, bon, Brunecard! Les hommes et les femmes de plus de 30 ans qui jouent le rôle d'adolescents prépubères dans les téléromans québécois. Ah, bon, Brunecard! Les humoristes qui imitent des humoristes au Grand Rire de Québec, c'est quoi ça? D'ailleurs, puisqu'on en parle, le Grand Rire de Québec, c'est quoi ça? Les signaleurs routiers du bord des chantiers l'été qui donnent l'impression qu'avec un secondaire 2, on peut dominer le monde. Voilà. Excusez-moi, madame, mais si j'avais vraiment 2 minutes à gaspiller, puis je serais intéressé à vous parler, tu vous appellerais? Le journal de Montréal nous apprenait ce matin qu'Éric Lapointe serait probablement sobre alors qu'il est. Les paroles des chansons traditionnelles québécoises, d'où de la date, d'où tu courtises qui en chantant ça, tu boire. Le gars de la pub non la taxe.tv.ca, hey, assez, c'est assez! Je pense qu'on approuve tous tes commentaires. Ah, ben merci beaucoup, merci. Ouais. Ben, le pire, c'est le dernier, je pense. Oui, ouais. Puis j'étais content de le dire. Il m'énerve, ce gars-là. Ça mérite d'être dit. Oui. Tu sais, on sait les vraies affaires. Hein. Ouais. Ouais. Des fois, quand on écoute David Nollet parler, on peut avoir l'impression que c'est de l'humour simple, les incorrigibles, mais il y a quand même une critique sociale profonde en arrière de tout ça. Oui, absolument. C'est tout ce qu'il y a à dire. Oui, mais bon, écoute, c'est tout ce qu'on a besoin de lui. On n'y en exige pas plus. Chacun son rôle. J'espère qu'il écoute pas, je vais manger une volée, mais je retourne chez nous. Ben donc, c'est tout pour moi cette semaine. Déjà? Oui, je vais vous quitter comme déjà. Là? Ouais, ben, il faut que j'aille travailler sur la chronique de la semaine prochaine. Étant donné que j'ai comme 2 minutes par semaine pour travailler là-dessus, ben, je prends tout le temps que je peux. C'est tout ce qu'on te permet de prendre, dans le fond, on dit. Tu prépares ça en dedans de 2 minutes. Oui. Ben, OK. Parfait. C'est un défi. Ton défi? Ouais. Okay. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire comme défi qui est un petit peu plus trash comme ça, ça? Ça? On pourrait y penser. Il faudrait qu'il se ferme une porte sur un doigt. Ah, non, mais ça, c'est facile. J'ai déjà plein de bruits de porte puis plein de bruits de doigts. On va pas parler de bruit ici, là. OK. Hein? Oui, mais je veux pas me blesser quand même. Je non. Pas avec des grandes boxes pour le métier, tu sais. Oh, je te sacrifie pour le métier. Oui, je suis prêt. OK. Bon. Mais là, je veux pas avoir l'air du Jackass version des pauvres, là. Ouais. Enfin, on pourra s'en reparler. Ouais. je vais suivre vos commentaires sur Facebook. Ouais. Parce qu'en même temps aussi, on avait parlé de 2 minutes tantôt. Si fermer une porte, tu dois pendant 2 minutes, ça peut être long aussi à la radio. Ça peut être très long, quoi qu'on en a 10, mais bon, écoute, ouais. C'est les miens. Ouais. Bon, ben écoute, c'est tout pour moi. Oui. Je file, les amis. Bye. Bye. À la semaine prochaine. Oui. Merci. Ça fut un plaisir. Bonsoir. Fais attention à ton testicule. Oh, il se porte très bien. Bon, c'est parfait. L'autre qui est jaloux. Hey, hey, salut. Claque la porte en t'en allant juste pour la fin. On n'a pas de bruit. Clac, clac, fort, fort, fort. Hey! Bon, ça, c'était du claquage de porte. Patrick Laperrière des Incorrigibles, toujours les mercredis en fin d'émission. Il va être avec nous, comme ça, à chaque semaine, avec des fois ses comparses, Jean-Gabriel Potier et David Nollet. Voilà, c'est tout. On retourne en musique, puis on revient. Oui, OK, c'est bon. Allons-y. D'autres choses à dire? Non, non, je pensais qu'on terminait l'émission. Tu veux qu'on termine l'émission? Je suis naïf comme ça, moi, des fois. Bon, on peut terminer l'émission si tu veux. C'est comme tu veux, Mathieu. Bon, on va terminer l'émission. Non, mais tu me demandes des affaires tellement faciles à faire. Garde-moi ça. C'est la fin d'Assemblage requis pour aujourd'hui. Hey! Ben oui. Dis avec tellement d'entrain. Ouais. Ben, c'est la fin pour vrai, donc on se retrouve demain, Mathieu. Oui, soyez là à partir de 15h pour une toute nouvelle édition d'Assemblage requis. Le jeudi, ben, on a Vidon, la don, la question. Et demain, l'émission, elle va être remplie de Vidon, la don, la question. Remplie. Oui, il va y avoir deux parties demain de Vidon, la don, la question. Et plein de trucs, peut-être des surprises pour demain et à tous les jours, des surprises dans votre vie. On vous réserve que des surprises. Les palmarès pour toi demain après-midi, palmarès francophone. Oui, à partir de 13h. En soirée, restez à l'écoute de C'est fou parce qu'à partir de 17h, Kiwan suit avec la dernière porte à gauche. Oui, la dernière porte à gauche aujourd'hui va avoir entre autres des nouvelles pièces. Il va y avoir des primeurs aujourd'hui, entre autres du La Question et du Moussette. Et plein d'autres bonnes musiques francophones comme d'habitude. C'est à 17h et puis à 18h, il y aura En attendant une émission de musique éclectique. À 19h, c'est du rap avec Volteface. Ah, c'est vrai, il n'y a pas d'En attendant aujourd'hui, excuse-moi. Non, c'est ça, pas aujourd'hui. Zut. À 19h, Volteface. Et à 21h, c'est Psythéa avec de la musique électronique. Donc, c'est votre horaire pour ce soir. Et demain, Simon sera là pour vous réveiller à 7h avec la pilule du lendemain. On se quitte avec Damien Robitaille. Oui, l'ermite dans la ville de Damien Robitaille. Bye, bye. Bonne soirée. Bonne émission, Kiwan. Hein? Merci. Bonne soirée, David. Hein? Allô, c'est moi, David Nollet. Hein? David Nollet, ça? Pas pire l'émission aujourd'hui, je trouve. Oui. Un peu n'importe quoi. Je trouve pas qu'il y avait comme des longs blancs.